Jésus. Sois la gloire, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Oh, Lord Jesus. Merci. asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis content d'être ici ce matin. Et regarde ton voisin et lui souhaiter la bienvenue. Alléluia. Ce matin, j'ai un frère ici qui veut faire un petit témoignage. Alléluia. Il était là. Il était là. Il a commencé l'église ici lorsqu'on était ici. On a commencé. Alléluia. Belenkwe. Et puis il est parti. Alléluia. Il est revenu il y a quelques semaines et il veut faire un petit témoignage pour t'encourager. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir le frère Gracia? Amen. Bonjour à tous. Bon, en réalité, c'est pas un petit témoignage. Amen. Ouais, c'est un grand témoignage, mais avec des petits mots. Amen. En fait, il y a plein de témoignages, mais j'ai juste sélectionné deux rapidement. Deux, trois minutes. J'étais ici, et quand j'avais terminé, je devais repartir au Gabon. Je me souviens que ce soir-là, c'était beaucoup d'émotions. Je me rappelle des quelques larmes que le pasteur Sam partageait. Et moi, j'étais ému, j'étais... Waouh! Il avait prié pour moi à propos de mon travail. Il m'avait dit dans sa prière que tu vas avoir un merveilleux travail. Et j'ai dit amen à la prière. Alléluia. Et je vous garantis, j'ai eu un merveilleux travail. Amen. Ceci pour encourager quelqu'un ce matin. Pour te dire que tu es au bon endroit. Amen. J'ai dit dimanche dernier, tu es au bon endroit et sous les bons soins du meilleur pasteur. Amen. Yes. Et le second témoignage, c'est au sujet de ma décision de me marier. Amen. Vous avez remarqué que je suis marié. Alors, ma fiancée... À l'époque, ma fiancée qui est ma femme aujourd'hui, c'est une très belle femme, par la grâce de Dieu. Et on était ensemble ici et on avait la grâce de participer à la convention Lord Have Mercy avec le Bishop Dag. Wow, c'était wonderful. Amen. Beaucoup de choses se sont faites là-bas. On a appris beaucoup de choses. Mais il y a un jour particulier, pour ceux qui y étaient, c'était pas en été. Vous n'êtes été? Pour ceux qui y étaient, vous vous souvenez? À un moment donné, le bishop avait fait comme un coup de gueule au sujet des relations des autres. Et lorsqu'il parlait de ça, je sais pas, mais il y en a peut-être qui étaient frustrés et tristes d'entendre ce qu'il disait. Mais moi, dans mon cœur, il se produisait comme si Dieu, en personne, me parlait. Amen. Et j'étais juste très content. Et puis, il avait donné une instruction. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça comme une instruction. Mais moi, dans mon cœur, ça avait résonné comme une instruction. Il avait fait, si tu aimes la sœur en Christ, épouse-la. Wow. Quand il a dit ça comme ça, dans mon cœur, ça fait comme un... I mean, I don't know how to say it. Amen. Et juste après, je suis allé voir la sœur, je lui ai dit que... Est-ce que tu peux être pour le mariage? Amen. Et puis la sœur m'a dit, mais on n'a même pas encore l'argent. Je lui ai dit que je suis une blagueuse, moi j'ai l'argent. Je lui ai dit, je viens d'avoir l'instruction du Seigneur que je dois t'épouser maintenant. Après, elle m'a dit, c'est bizarre, dans mon cœur, j'ai senti la même chose. Et je lui ai dit, c'est vrai. Elle dit, oui, j'ai senti la même chose. Je lui ai dit, bon, donc c'est ok. Donc, la question des finances, oublie ça. Oublie ça. Parce que t'en fais pas les finances, j'en ai. Et quand je disais ça, je n'avais même pas de silice dans la poche. Alléluia. Et puis je suis reparti au pays. Et puis on est revenu après la convention. On est revenu à la maison. J'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, bon écoutez, moi je rentre au Gabon en fin septembre. Décembre, je me marie. Ils m'ont dit, oh comment ça? Je dis non, décembre, je me marie. Tu as l'argent? Je dis oui, j'ai l'argent. Et puis je suis rentré au pays. Elle m'a rejoint quelques temps après. Je vous garantis, en l'espace de 3 mois, j'étais parvenu à organiser tout mon mariage. Après, il s'est passé beaucoup d'opposition, mais malgré l'opposition en question, vous savez, à la veille de mon mariage, de notre mariage, il y a eu une opposition terrible au point qu'on ne s'est pas marié le lendemain. Oh, on ne s'est pas marié. Toutes les dépenses engagées, tout le reste. Je suis parti dans ma chambre, c'est vrai que j'étais énervé. Après, j'avais confiance au Seigneur. Je vous garantis, j'ai réalisé l'exploit. Et cette fois-ci, j'ai organisé un mariage. Waouh! Amen! Gloire à Jésus. C'était mon témoignage pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer. Merci, Patia. Alléluia. Dieu est fidèle. Et lorsque tu lui es fidèle, il sera fidèle à toi. Et donc, je remercie Dieu pour leur vie. Alléluia. Je peux dire que ce sont des membres qui étaient fidèles lorsqu'ils étaient ici. Alléluia. Et je ne suis pas surpris que Dieu les a bénis ainsi. Alléluia. Si tu es fidèle, la Bible dit que Dieu est fidèle. La plupart des gens, le problème, c'est nous. C'est pas lui. Alléluia. C'est pas lui, c'est pas Dieu. Lui, il est prêt. Alléluia. Et donc, merci beaucoup. Je sais que quelqu'un a encouragé ce matin. Alléluia. Donc, fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Saint-Esprit, nous t'invitons une fois. Viens toucher les cœurs, préparer les cœurs pour ta parole ce matin. Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. Ce n'est pas moi qui dois parler, mais c'est toi. Et je prie que tes enfants entendent ta voix au nom de Jésus. Seigneur, merci. Aie pitié de nous et bénis-nous ce matin. Que ta parole vienne accomplir ce dessein, Seigneur. Et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce dessein. Seigneur, merci au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer, alléluia, sur le message, bien les messages qu'on a sur notre nouvelle naissance, alléluia. Je répète toujours, et je vais dire toujours, parce que c'est important. Ça a l'air simple, le message de salut, mais c'est un message très très important, alléluia. Et donc, comme on a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. C'est un verset que tu ne dois pas oublier. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et donc, est-ce que vous vous rappelez du verset de la semaine passée? C'est quel verset? Marc, chapitre 11. Marc, est-ce qu'on peut réciter ce verset? Marc, en commun, 1, 2, Marc 11, verset 24, ok? C'est pourquoi je vous le dis? Ok, une fois encore, Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis. Ce que vous demanderez, prions, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Okay? Le verset pour cette semaine, bien la semaine qui vient demain, à partir de demain, Marc 11, verset 25. C'est le verset qui suit. Ok? C'est le verset qui suit. Ok? Parce que le verset qui vient, verset 24, dépend du verset 25. Donc tu dois aussi connaître verset 25. Qui dit quoi? Et lorsque vous, vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, la prière dans verset 24 ne va pas marcher. Donc avant de prier verset 24, tu dois faire verset 25 d'abord. Ok, donc on va mémoriser ce verset avant de continuer. Marc 11, verset 25, on lit ensemble. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Ok, on reprend encore Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Ok? On lit encore Marc 11, verset 25. Contre quelqu'un. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Une dernière fois avant de fermer la Bible. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous. Marc 11, verset. On peut fermer la Bible? On peut fermer? Qui dit non? Non, non, non. Ok, une fois encore. Une dernière fois. Ok. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous debout. Ça va? Ou bien on répond encore? Ok, on répond une dernière fois. Marc 11, parce que je peux t'appeler, ok? Seul. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. On peut fermer maintenant. On peut fermer la Bible. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes... Une fois encore, Marc... La Bible fermée. Colombe. Les hommes. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? La voix est forte. Ok, les femmes. Marc 1, verset 25. Acclamer pour les... Parce que c'est comme... Oh! Ok, une fois encore les femmes. Marc 11, verset... Ah! Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ok, acclamé. Ok, donc c'est le verset pour la semaine. C'est le verset pour la semaine. Je pense que le système, c'est bon. Il ne faut pas te presser à lire beaucoup de versets que tu vas oublier après. Tu prends seulement un verset. pour la semaine. Et jusqu'à la fin de la semaine, tu ne vas pas oublier le verset. Et tu vas bien faire ton temps de méditation. Et après, tu vas te rappeler. Au lieu de lire toute la Bible et après, tu ne te rappelles même pas d'un verset. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart des gens, c'est ce que nous faisons. On va lire. À la fin, on n'a rien retenu. On n'a pas bien fait la méditation. Mais si on a seulement un verset pour la semaine, ça va faire une grande différence dans nos vies. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Yeah. Donc, c'est le verset pour la semaine. Et donc, je dis 2 Corinthiens. OK, il ne faut pas oublier 2 Corinthiens. Alléluia. Et donc, la semaine passée, on a dit 3 choses que quelqu'un qui est né de nouveau doit faire. Alléluia. La première chose, c'est quoi? L'esprit doit grandir, la parole. Alléluia. Hein? 1 Pierre 2:2. Est-ce que vous comprenez? Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième chose, c'est quoi? Quoi? Deuxième chose, c'est la chair. C'est ça, non? J'ai pas partagé. J'ai pas dit. Hein? C'est contrôler ta chair. Contrôler. Contrôler ta chair. Alléluia. Le contrôle de la chair. Le contrôle de la chair. Et je pense que j'ai prêché ça jeudi passé. Hein? 5 choses qu'on doit faire pour avoir la victoire sur la chair. Hein? 5 choses qu'on doit faire pour avoir la victoire sur la chair. Alléluia. La chair, hein? Lorsqu'on parle de la voix de la chair, sont les désirs, les sentiments physiques qu'on a. Alléluia. Les sentiments physiques, les désirs que tu as. C'est la voix de la chair. C'est la chair qui s'exprime. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu as envie de dormir, c'est la chair qui part. Lorsque tu as envie de manger, c'est la chair qui part. Alléluia. Lorsque tu as envie d'avoir le sexe, c'est la chair qui part. Est-ce que vous comprenez? C'est le désir, c'est le sentiment physique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des sentiments que nous avons dans le corps. Et pour surmonter ces sentiments, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire ce qui est dur et difficile. Lorsque tu aimes ce qui est facile, tu es en train de répondre à la chair, parce que la chair aime ce qui est facile et agréable. Ce qui est agréable. Alléluia. Ce qui est agréable. Ce qui est agréable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. C'est les désirs de la chair. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à surmonter la voie ou bien surmonter les désirs de la chair parce qu'on veut être ce qui est facile. On veut prendre le raccourci. Alléluia. Au lieu d'attendre le mariage pour avoir le sexe, on veut faire le raccourci, ce qui est facile. Hein? On va avoir le rapport avant de se marier. Hein? Non, nous sommes chrétiens. Si tu es ici ce matin, et si tu ne connais pas, je te dis. Parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'on ne doit pas avoir sexe avant le mariage. Est-ce que vous comprenez? Et alors, vous connaissez Proton. Proton. Proton. C'est un verset qu'on a mémorisé. Matthieu 6, verset 33. 1, 2. Matthieu 6, verset 33. Cherchez. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Premièrement, c'est proton. En grec, le mot grec, premièrement, c'est proton. Cherchez premièrement. Le mariage, tu cherches premièrement la volonté de Dieu. Et sa justice, c'est quoi? Dans le mariage, c'est quoi? Cherche premièrement. Donc, va te marier d'abord. Que Dieu bénisse d'abord. Avant que tu testes. Avant que tu testes. Yeah. Lorsque tu deviens chrétien, tu dois comprendre que non, je dois me marier d'abord. Beaucoup d'entre vous ne savez pas. Ou bien vous savez, mais vous refusez. Vous voulez répondre à la chair. Vous voulez faire ce que la chair veut. Non. Non. Non. Lorsque le gars vient, tu es fille, lorsque le gars vient, commence à te toucher, tu dis non, s'il te plaît. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne dit pas qu'on doit négocier avec... On négocie les quoi? Ses désirs. Non, tu ne négocies pas. La Bible dit quoi? Fur. Fur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne fuient pas. On aime. C'est agréable. Lorsqu'on commence à te toucher. Ah. Ça, c'est dans le mariage. Pas avant le mariage. Alléluia. Si tu es fille, tu ne te déshabilles pas devant quelqu'un qui n'a pas payé la dot. Qui ne t'a pas amené à l'église. On bénit le mariage d'abord. Est-ce que vous comprenez les filles? Dites aimer les filles. Et on doit répéter. Je vais répéter ça plusieurs fois. Je veux répéter plusieurs fois. Parce que vous savez pourquoi je dois répéter plusieurs fois? Parce que le monde répète plusieurs fois d'aller forniquer. Le monde répète plusieurs fois. Donc vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Donc à l'église, on va répéter plusieurs fois. Non, ne te déshabille pas. Ne fais pas ça avant. Vous comprenez? Yeah. Yeah. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est de ne pas forniquer. Yeah. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est pas, c'est, tu ne pas rouvrir la fermeture, la ceinture, la fermeture. Alléluia. Garde-toi, tu es fille, garde-toi. Tu es précieuse. Alléluia. Tu es précieuse, tu es rachetée par le sang de Jésus. Donc ne laisse pas ton corps. Jouer avec ton corps. Les garçons, joue avec ton corps. Alléluia. Wow. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Ah, Esther, c'est Esther. Ah, ok. Les Gabonais sont. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Les désirs de la chair. La chair veut ce qui est facile, ce qui est agréable, ce qui est bon. C'est comme tu veux te lever très tôt le matin. Et le sommeil. Ah. Ouais, dans la soirée, la température est chaude. C'est chaud. Mais le matin, la température est cool. Donc, dormir là, c'est ce moment où c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, t'élever pour prier et dormir. Ce qui est facile, c'est de dormir. Et c'est ça la chair. Mais l'esprit, pour aider l'esprit à grandir, ou bien pour t'aider, tu dois te lever pour prier. Alléluia. Venir à l'église, c'est pas facile. C'est pas facile pour toi. Ce matin, c'est pas facile. Moi-même, c'est pas facile. Ou bien? Qui dit c'est pas facile? Parce que le corps n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, les chrétiens qui sont nés de nouveau il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils pensent que non. Non, le corps là, maintenant, le corps. Non, le corps n'est pas né de nouveau. Et le corps ne sera jamais né de nouveau. Tu comprends ce que je dis? Yeah. Donc, les désirs que tu as, moi aussi, j'ai les mêmes désirs. Et j'étais né de nouveau en 1994. Donc, mais les désirs sont les mêmes désirs. Quelle est la différence? Tu contrôles le corps. Tu dis le corps, tais-toi. Lève-toi, va à l'église. Lève-toi pour prier. Alléluia. Ne touche pas la sœur, ce n'est pas ta femme. Ne touche pas la sœur, ce n'est pas ta femme. C'est la femme d'autrui. Yeah? Yeah? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah? Yeah? Alléluia. Yeah. Donc, lorsque tu fais ce qui est dur, qu'est-ce que Paul a dit? Paul, l'apôtre, je traite durement le corps. Je traite durement le corps. Je traite durement le corps. Je traite durement le corps. Alléluia. Si tu ne veux pas traiter ton corps durement, tu vas toujours succomber au désir de la chair. tu vas toujours faire ce que la chair veut faire. Et la chair va t'entraîner dans l'enfer. La chair t'entraîne dans l'enfer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Zella. Yeah. Yeah. Donc tu dois traiter durement ta chair. Si tu dois jeûner, tu dis mon corps, on jeûne aujourd'hui. Parce que tu es esprit. Donc tu traites durement ton corps. L'esprit veut. Ou bien, yeah, lorsque tu sens, oh, je veux faire. Mais il y a quelque chose qui me dit, non, ne le fais pas. Je veux prier, mais quelque chose dit, ne prie pas. Tu es fatigué. Je ne veux pas pécher, mais c'est comme, le péché, c'est bon, je veux faire, c'est agréable, je veux continuer. C'est le corps qui fait ça. Donc, l'esprit et le corps sont en bataille. Est-ce que vous comprenez? L'esprit et le corps sont en bataille. Certaines batailles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Dans le corps. Tu dois contrôler le corps, tu dois discipliner. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. C'est, vous voyez, c'est pourquoi lorsque quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un qui ne contrôle pas le corps, c'est comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Yeah. Donc lorsque tu vois un chrétien qui est en train de faire des bêtises, ce n'est pas que la personne n'est pas née de nouveau. Mais c'est que la personne n'arrive pas à contrôler son corps. Yeah. Les gens, ceux qui ne sont pas chrétiens ne comprennent pas. Parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Est-ce que tu peux contrôler ton corps à partir d'aujourd'hui? Tu peux dire corps, tais-toi. Tais-toi, assieds-toi, lève-toi. Lève-toi. Ne fais pas ça. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour lire ta Bible. Alléluia. Yeah. Dedans, est-ce que vous le savez? Dans le cœur, ça, au fond, dedans, tu veux lire la Bible. Mais tu te lèves, c'est comme tu ne veux pas lire la Bible. Yeah. C'est l'esprit veut. L'esprit veut, mais le corps ne veut pas. Yeah. C'est le corps qui dit non. Oh, attends un peu. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai pas envie. Ceux qui disent, j'ai pas envie. C'est le corps qui est en train de parler. Hein? J'ai pas envie. J'ai pas envie de venir à l'église. Hein? J'ai pas envie de lire la Bible. J'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de. C'est le corps qui est en train de parler. Donc à partir de lorsque je t'entends, j'ai pas envie. Ou bien j'ai envie. J'ai envie de forniquer. Faut gifler le corps. Tais-toi. Alléluia. Et troisième chose, renouveler l'intelligence. Ce qui est né de nouveau doit faire. Première chose, fais quoi? Grandir. Ton esprit doit grandir. Deuxième chose, contrôler ton corps. Troisième chose, renouveler l'intelligence. Alléluia. Renouveler l'intelligence. Renouveler. Romains 12:2. OK, Romains 12:2. Alléluia. Romains 12:1 nous dit de contrôler le corps, OK. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable. Donc ton corps doit être saint et agréable à Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que le sang de Jésus a racheté ton corps. Alléluia. Vous êtes là, ceux qui sont derrière. Vous m'entendez? Et à Prince. Et le deuxième verset de dit, conformez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais pas soyez transformés ici. Soyez transformés. Alléluia. Yeah, ce matin, je vais aller au-delà de transformer. Parfois, l'intelligence est transformée, mais le Satan amène toujours les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Est-ce que vous comprenez? Yeah, lorsque Satan a tenté Jésus, Satan n'était pas là comme une personne. Ou bien, Satan n'était pas présenté physiquement à Jésus lorsque Jésus jeûnait 40 jours, 40 nuits. Est-ce que vous comprenez? Mais il a tenté trois fois. Vous vous rappelez, non? Il a tenté trois fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tenté par des suggestions, par des pensées. Si tu es fils de Dieu, hein, fais quoi? change tes pierres et mange comme nourriture, parce que tu es fils de Dieu. Donc, ce sont des idées qu'il amène, ce sont des pensées. Et on a ces pensées toujours, ces pensées se présentent à nous. Satan vient toujours avec ses pensées. Ou bien, après renouvellement, Satan vient toujours. Alléluia. Vous êtes là? On va partir, puis on continue. Alléluia. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frère. Philippiens 4, 8. Au reste, frère. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que le diable va amener des pensées. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est digne d'approbation? Soit l'objet de ta pensée. Donc, toute pensée qui vient, je me rappelle, je vous ai dit, c'est un test. Toute pensée doit passer le test de Philippiens 4, verset 8. Yeah. Si ce n'est pas honorable, peut-être que c'est vrai, mais est-ce que c'est honorable? Ou bien, est-ce que c'est pur? Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, 2 Corinthiens, est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Alléluia. Et je finis dans 5 minutes. Alléluia. Vous êtes là? On lit 2 Corinthiens 10. N'oubliez pas, les versets qu'on mentionne ici, là, il ne faut pas les oublier. Donc, il faut noter. Lorsque tu viens à l'église, amène un papier, un carnet, un cahier, note les versets. Un jour, tu auras besoin de ces versets. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui sont nobles, ceux qui sont sages, dans le livre de Actes, il dit qu'après avoir prêché, ils vont vérifier si ce que le pasteur a dit est vrai. Et si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas apprendre. Est-ce que vous comprenez? Dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, laisse. Il faut jeter ça. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. » Et quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements. Il dit, « Renverser toute forteresse. » Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous avez vu? Renverser les raisonnements, renverser les pensées, les pensées qui sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Les pensées qui ne sont pas dignes, les pensées qui ne sont pas pures, les pensées qui ne sont pas honorables, les pensées qui ne sont pas dignes d'approbation, les pensées qui ne sont pas justes, les pensées qui ne sont pas vraies. On les renverse. Parce que le diable va amener. Va amener. Hein? Est-ce que vous êtes là? Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Ok. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises sortent, ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Yeah. Parce que ces pensées vont entrer dans le cœur. Tu vois, si quelqu'un fornique et dit que je ne sais pas que je vais aller forniquer, c'est pas vrai. Oh, je ne savais pas. Tu as volé le iPad, tu dis tu ne savais pas que tu allais voler. Tu ne savais pas que tu allais voler, non. La personne a déjà eu la pensée depuis. Et ça a entré dans Matthieu, ça a entré dans ton cœur. Alléluia. C'est maintenant tu vas agir. On va voir ça maintenant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, vol, fornication, quoi encore? Ces pensées-là. Mensonge, dépression, méchanceté, mensonge. Ok? Alors, ceux qui sont déprimés, la tristesse, la pauvreté. Hein? Satan amène ces choses, que tu ne vas pas réussir, les mauvaises idées, que tu ne vas pas te marier, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai que tu ne vas pas te marier? C'est pas vrai. Hein? Satan amène ces choses. Et lorsque tu continues à penser à ces choses, ça va entrer dans ton cœur. Et maintenant, on va voir ça physiquement. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc, tu dois toute pensée qui ne passe pas le test de Philippiens 4, verset 8. Tu dois renverser ce raisonnement. Tu dois renverser cette pensée. Tu ne dois pas penser à cela. Tu ne dois pas méditer. Yeah. Alléluia. Yeah. Mais le monde nous présente beaucoup de choses. Parfois, on a une expérience et on est dans la tristesse. Lorsqu'on continue à penser à ça. Ou bien, yeah. Tu vois une expérience dans la famille. La famille, on ne se marie pas. Et ça devient une forteresse pour toi. C'est comme toi, tu ne vas pas aussi te marier. Qui t'a dit ça? C'est où dans la Bible? Yeah. C'est comme tu ne vas pas réussir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tu penses toujours que tu ne vas pas réussir. Tu penses que tu seras pauvre dans cette vie. Qui t'a dit ça? Tu ne seras pas pauvre. Hein? Selon Jude, verset 20, tu ne vas pas être pauvre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir d'aujourd'hui, raisonnement, renverser les raisonnements. Alléluia. Parce que tes pensées ne sont pas nées de nouveau. Ou bien l'intelligence n'est pas née de nouveau. C'est pourquoi il dit renouveler l'intelligence. Alléluia. Le corps et l'intelligence ne sont pas nés de nouveau. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Et donc, on doit renouveler. On doit contrôler le corps. On doit renouveler l'intelligence. Et on doit contrôler ce qui vient à nos pensées. Tu dois contrôler. C'est pas tout ce qui vient à tes pensées que tu dois méditer. Sinon, tu vas commencer à faire ce que tu médites. Les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Yeah. Wow. Wow. Il y a l'histoire de cette femme qui était dans l'église. Il était même la femme du pasteur qui chantait à l'église. Chantait très bien. Elle avait une belle voix. Alléluia. Et puis un jour, elle était devant le miroir. Et Satan dit, tu es belle. Tu es belle. Tu peux chanter dans le monde pour avoir de l'argent. Donc tu vois, ces pensées qui viennent, ces mauvaises pensées qui viennent, ça ne fait pas du Saint-Esprit. Oh. Ce sont des démons. Et puis elle a rejeté, elle dit, ah non, non, non. Et Satan est revenu encore. Vous voyez, lorsque ta sœur a tenté Jésus, il est venu trois fois. Et la Bible dit que Satan est parti pour un moment. La pensée de fornication que Satan amène là, dans tes pensées, hein? Et tu rejettes, il va revenir encore. Il va revenir encore. Alléluia. Donc, la femme était devant, elle dit, oh non, elle a rejeté la pensée. Deuxième fois, Satan était venu encore, tu es belle. Tu peux, lorsque tu vas dans le monde, tu ne vois pas les autres en train de donner l'idée des autres. Musiciens dans le monde qui sont célèbres. Tu peux être comme ces musiciens. La pensée est venue une fois, elle a rejeté. Et puis, cette histoire, c'était une vraie histoire, mais il y a un homme de Dieu qui a eu la vision. Il a eu la même vision de la femme. Donc, dans la vision, l'homme de Dieu a vu un animal sur l'épaule qui parlait, qui donnait l'idée, la pensée. Que tu es belle, tu es belle, tu peux chanter dans le monde. Et pour la troisième fois, ce sont des vraies histoires, c'est une vraie histoire. La troisième fois, elle a dit, oh, elle a commencé à dire, oh, oui, c'est vrai, je suis belle. Elle s'est regardée dans le miroir. Je suis belle, je peux chanter. Et tout d'un coup, cette idée est entrée dans son cœur. Avant, c'était ici. Parce que l'animal lui dit, oh, je suis belle. Tu peux chanter, tu es belle. Et l'idée est entrée dans le cœur. Le jour là, elle a quitté l'église pour aller chanter. Et elle est partie de l'église. Donc les pensées qui viennent à l'idée, c'est Satan qui amène. une petite pensée, mauvaise pensée. Alléluia. Mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, tu dois contrôler toutes ces pensées-là, ces idées qui viennent, ces suggestions. Satan te suggère. Suggère, suggestion. Fais attention. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et l'homme de Dieu a vu, il dit que la pensée, c'était, elle a vu l'homme, la femme était transparente dans la vision. La femme était transparente. Donc, elle a vu l'idée comme un point noir ici. Et lorsque le point noir est entré dans le corps, l'idée est entrée dans le cœur, c'est fini. Ah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est vrai. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est vrai. Si tu laisses une idée, ça va entrer dans ton cœur. Et tu commences à agir comme un prostitué. Parce que l'idée que tu peux avoir de l'argent, maintenant tu n'as pas d'argent. Tu es fauché chaque jour. Les gens se moquent de toi. Regarde-toi là, mais tu as un bon corps. Tu peux aller donner ton corps pour avoir de l'argent. Tu vois les autres. Yeah, ce sont les idées là. C'est l'idée. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, c'est ce que ça t'a fait. Donne l'idée que tu seras pauvre. Il te donne une image d'une femme pauvre, d'un homme pauvre. Alléluia. Yeah. Et c'est Satan qui fait ça. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, contrôle les idées. Contrôle les pensées qui entrent. Si ce n'est pas agréable, si ce n'est pas pur, si ce n'est pas honorable, si ce n'est pas digne d'approbation, si ce n'est pas juste, si ce n'est pas vrai, ne laisse pas cette pensée entrer dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, on va faire une petite confession. Alléluia. Parce que Satan nous a dit beaucoup de mauvaises choses. Et ces choses sont devenues des forteresses. Tu n'arrives pas à contrôler ces choses. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah! C'est comme dans la famille. Tout le monde est pauvre. Dans la famille, le premier-né meurt. Et tu es premier-né. On dit meurt à 30 ans. Et tu as 25 ans. Et déjà, tu es en train de penser, hey, est-ce que je vais mourir? Tu es en train de préparer pour ton funérail. Alléluia. Alléluia. On va faire des confessions. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va ranimer une certaine foi dans ton cœur. Et ça va renverser toute forteresse, toute mauvaise idée. Levez-vous s'il vous plaît. Toute mauvaise idée au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je projette. Je prédis la victoire dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Je suis heureux. Parce que Dieu est à mon côté. Parfois on est triste. Je ne peux pas échouer. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Jésus m'a dit qu'il sera avec moi. Parce qu'il sera avec moi, je ne peux pas être vaincu. Au nom de Jésus. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, avec moi, en moi, quel mal peut me nuire? Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, et Dieu est en moi, et si Dieu est avec moi, et Dieu est pour moi, quel mal peut me nuire? De tous ses côtés, dans tous ses côtés, je suis plus vainqueur. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances ne peuvent me séparer de la touche victorieuse de Dieu. Rien ne peut te séparer de la victoire que Dieu a pour toi. J'ai l'assurance ni les entités, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne peut m'empêcher d'expérimenter les bénédictions en Christ. Wow. Je déclare que chaque bataille à laquelle je suis confronté est changée en ma faveur. Au nom de Jésus, les choses concourent en ma faveur. Les choses concourent en ma faveur. Tout ennemi qui s'élève contre moi cette semaine tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, tout ennemi qui s'élève contre moi cette semaine sera renversé. Au nom de Jésus, je retourne toute parole maléfique. Je retourne toute parole maléfique prononcée contre ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je retourne toute parole maléfique prononcée contre ma vie à partir d'aujourd'hui. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvais rapports. Par conséquent, je suis béni et j'obtiens une grande faveur. Au nom de Jésus. Yes. Dieu m'a délivré de la honte. De la honte. De la honte. Dieu m'a délivré de la honte. On continue. Je me suis libéré de toute mauvaise compagnie. J'ordonne à la multitude des problèmes devant moi de se disperser, de s'éparpiller, de désintégrer au nom de Jésus. Je ne peux plus être vaincu. Je ne peux plus être vaincu. Je ne suis pas confus. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis plus découragé. Je ne suis plus déprimé. À partir de maintenant, je suis encouragé. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Je refuse de m'inquiéter à partir d'aujourd'hui. Je rejette toute incrédulité. Je réussis à tous mes examens. Je surmonte toute tentation. Au nom de Jésus. J'ai réussi à tous mes examens. L'école n'est plus un problème pour moi. J'ai réussi à toutes mes matières. Je prédis de l'excellence résultat. Dans tous mes examens futurs, je suis à la tête. Pas à la queue. Je suis à la tête. Pas à la queue. Je suis le premier. Pas le dernier. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Vous voyez, ces confessions, oh Stéphane, pardonne-moi, ces confessions nous permettent de renverser ces forteresses, ces raisonnements, ces mauvaises pensées. Alléluia. Et ce matin, tu es libéré de ces mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, tu as renversé tout raisonnement de pauvreté et de malédiction. Au nom de Jésus. Ah. Alléluia, est-ce que tu peux commencer à remercier le Seigneur? Oh Seigneur, merci. Merci. Oh, notre intelligence est renouvelée. Oh, nous contrôlons toute pensée qui vient. Nous contrôlons. Nous contrôlons. Nous contrôlons. Nous sommes victorieux. Nous sommes le premier. Les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Nous sommes à la tête, par au nom de Jésus. Nous allons réussir, nous allons passer tout examen. Et Seigneur, nous te disons merci. Nous allons de bon après l'école. Nous allons nous marier après l'école. Nous allons marier au nom de Jésus. Oh, nous ne mourrons pas avant notre... Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un cri de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, je veux prier pour toi. Tu es là, tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit qu'à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et ce matin, je vais te donner l'opportunité. Tu ne comprends même pas ce que nous sommes en train de faire ici. Ferme les yeux, s'il vous plaît. Tout le monde, ferme les yeux. Tu ne comprends même pas. Mais tu veux. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier pour toi. Merci, ma soeur. Merci. Merci. Merci. J'aime la manière dont tu as levé la main. Le Seigneur aussi viendra te sauver et te bénir. Comme tu as levé la main, le Seigneur va te bénir. Va venir te bénir. Lève la main. Toi, si tu veux lever la main, lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais, mais tu ne comprends même pas. Mais tu veux connaître. Le Seigneur va t'aider à connaître. Et tu veux que le pasteur prie pour toi. Dis, pasteur, prie pour moi ce matin. Lève la main. Merci, ma soeur. Merci. Je vois. Je vois. Merci. Merci, ma soeur. Je vois. Je vois les mains. Toi, si tu veux lever la main. Avant de, tu veux dire, je ne veux pas quitter ta croix sans avoir reçu ce que le Seigneur a préparé pour moi aujourd'hui. Sans avoir reçu le salut. Sans avoir reçu une nouvelle vie. Avec que les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur est fidèle pour te bénir ce matin. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Merci. Merci. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant moi? Je vais prier pour toi. Viens, ma soeur. Viens. Viens, ma soeur. Viens, ma soeur. Le Seigneur a une bénédiction spéciale pour toi. Ma soeur, viens. Viens. Le Seigneur a une bénédiction spéciale pour toi. La manière dont tu as levé la main, le Seigneur va changer ta vie. Merci. Merci. Merci. Merci. Fermez les yeux tout le monde. Et répétez après moi, dit Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour le message. Merci. J'ai l'intelligence renouvelée. Seigneur, je sais, je vais réussir. Je sais, ma vie n'est pas comme je pensais. J'ai une bonne vie. À cause de toi. À cause de toi, Seigneur. À cause de toi, Seigneur. À cause de ta parole. À cause de ta fidélité. Je suis une femme bénie. Je suis béni. Je suis béni. Je ne suis pas le dernier. Je suis le premier. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton fils. Ce matin, je crois en lui. Je crois en lui. Et je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi. Accepte ma vie. Seigneur, merci. Change ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux te servir le reste de ma vie. Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi victorieux. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.